Dimanche 4 mars, bonjour auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro, voici l'essentiel de cette édition. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, rétrogradée, passe du statut A au statut B. Le juriste Tassien Sibomana, opposant politique burundais, parle d'une énorme perte pour le Burundi et au parti UPRONA, l'on parle d'une décision politique. Une dizaine d'enseignants d'une école fondamentale de la province Kayanza, c'est au nord du Burundi, sous les verrous, accusés d'avoir battu le directeur de cette école. Dans ce journal, vous aurez la réaction du président du syndicat des enseignants, STEB. Les habitants de la zone urbaine de Nyakabiga se disent satisfaits de la régularité de leur zone et de la compagnie Bicico dans l'enlèvement des déchets ménagers. Les précisions, c'est dans ce journal mis en onde par François Kimana. À la présentation, Mireille Kanyang est bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour, page politique, droits de l'homme. Pour débuter ce journal, la Commission onusienne des droits de l'homme rétrograde la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, CNDH. Celle-ci passe du statut A au statut B. Et sur ce, perdre sa place dans la prise de décision dans le concert des nations en ce qui concerne les droits de l'homme, c'est une énorme perte pour le Burundi. C'est du moins l'analyse de Tassien Sibomana, juriste et opposant politique burundais. Il indique que le Burundi est victime du manque d'indépendance de la CNDH lors de la production de ses rapports sur la situation des droits de l'homme dans le pays. On l'écoute, il a été joint au téléphone par Évariste Nzikobanyanga. Le Burundi vient d'être rétrogradé au niveau international compte tenu de la façon dont on évalue les commissions nationales indépendantes des droits de l'homme. Les conséquences sont multiples. D'abord, ça signe que le Burundi est mal vu et mal considéré dans le Conseil des Nations pour ce qui est du respect des droits de l'homme. Deuxième conséquence, la plus directe, c'est que notre Commission nationale indépendante des droits de l'homme n'aura plus le droit de participer à certains forums, et même si elle participe, elle n'aura plus le droit de vote. Et quand vous n'avez plus le droit de vote, donc vous êtes franchement en dehors du système des droits de l'homme international. Et la troisième conséquence, c'est que nous aurons du mal à remonter la pente, parce que si on parvient à évaluer jusqu'à rétrograder une commission de ce genre, vous avez un délai minimum que vous devez passer pour qu'une autre évaluation soit faite afin de voir si on peut vous replacer à la position que vous occupiez au départ. Donc, pour vous dire vrai, c'est une perte parce que on n'aura plus le droit de participer à certains forums, on n'aura plus le droit de vote, on n'aura plus le droit de prendre des décisions aux côtés des autres nations. Donc, pour un pays, c'est une perte totale. Tassien Sibomana estime qu'il revient au président de la CNDH de se ressaisir et produire des rapports impartiaux, ce qui pourrait aider le Burundi à récupérer sa place dans le Conseil des Nations. Encore une fois, je vous prie de le suivre. Ce qui doit être fait, c'est naturellement, c'est de changer la façon de travailler. Si ils ont fait une année pour évaluer et qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des violations que la Commission ne rapporte pas, cette commission doit se ressaisir et rapporter tous les cas de violation des droits de l'homme et donner les commentaires, donner les conseils qu'elle doit donner et à qui de droit. Et c'est cela qui va permettre aux évaluateurs de replacer le Burundi au rang qu'il occupait avant cette phase qui cause beaucoup de préjudice au peuple burundais et à ce pays de façon générale. Et vous saurez que la CNDH avait une durée d'une année pour se ressaisir en matière de production de tels rapports. Et du côté de la CNDH, Jean-Baptiste Baribonekeza, président de cette commission, promet de s'exprimer à ce sujet ce lundi. Je vous l'avais annoncé au parti UPRONA. L'on qualifie cette décision de politique et Christian Nkurunziza, porte-parole de ce parti, demande que cette décision soit révisée parce qu'elle sera suivie de conséquences néfastes, estime-t-il. Au niveau du parti UPRONA, pas l'appréciation est que la mesure qui a été prise est une mesure politique. Vous savez que les associations de droits de l'homme qui ont porté plainte, d'abord c'était des associations qui étaient impliquées dans le putsch qui s'est passé le 13 mai ici au Burundi. Vous savez aussi toutes ces conditions dans lesquelles ces associations ont prêté plainte montrent qu'effectivement la mesure qui a été prise était une mesure pâchante parce que il fallait aussi écouter les associations qui sont à l'intérieur du pays mais aussi les partis politiques, nous qui sommes ici à l'intérieur du pays. Alors, la mesure qui a été prise, c'est une conséquence de conflits politiques, des problèmes politiques que nous observons aujourd'hui ici au Burundi. Alors, ce que nous demandons effectivement que la mesure qui a été prise soit une mesure qui aide le Burundi, non pas la mesure qui nous fait reculer le droit de l'homme au Burundi. Tenant compte à ces conditions, vous savez que la CNDH va manquer les moyens pour suivre effectivement ce qui se passe à l'intérieur du pays. Alors la conséquence aurait de renforcer le droit de l'homme du Burundi. Nous constatons que la conséquence est que le droit de l'homme, les Burundis, n'auront plus les moyens de faire entendre leur voix sur la question des droits de l'homme. Vous voudrez bien nous excuser, le porte-parole du parti UPRONA, c'est Olivier Nkurunziza et non Christian Nkurunziza, comme je venais de vous l'annoncer. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h03 dans le studio de la radio Isanganiro, page éducation. 13 enseignants de l'école fondamentale de Murambi en commune Matongo de la province Kayanza sont sous les verrous depuis le matin de vendredi passé, sont accusés d'avoir battu le directeur de la dite école au sein du syndicat STEB. L'on indique que c'est une perte pour les élèves qui sont à la veille des examens. Rémi Nsengiumba, président de ce syndicat, demande qu'il y ait des enquêtes pour établir les responsabilités de tout un chacun. Je vous propose de le suivre. Il a été joué au téléphone par Charles Makoto. Nous sommes au courant de cette arrestation, mais nous nous disons qu'il fallait d'abord faire des enquêtes. Et des enquêtes qui sont faites par des gens habilités pour qu'il y ait responsabilité de tout un chacun. Ça peut être le directeur, ça peut être un ou deux enseignants. Mais nous pouvons dire que 13 ans ont battu le directeur. Il ne faudrait pas alors globaliser. Il fallait le laisser au travail et puis continuer des enquêtes et établir des responsabilités. Aujourd'hui, nous sommes à la veille des examens. Les élèves sont victimes de cette arrestation. Certains de ces enseignants, peut-être qu'ils sont innocents. Et vous savez le stress de celui qui est emprisonné. Alors nous aimerions d'abord qu'on les relâche, qu'ils restent au travail, que des enquêtes soient faites et que les responsabilités soient établies. Et des deux côtés, ça peut être le directeur qui est fautif ou certains de ses enseignants. On aimerait alors qu'il y ait une enquête bien dirigée. Voilà, c'est Rémi Nsengiumba, président du syndicat STEB. En page sécurité de ce journal, un voleur de vaches a été tué ce samedi à la colline Rusiga de la commune Rugombo en province Cibitoke, c'est à l'ouest du Burundi. D'après des informations provenant de cette colline et confirmées par les responsables policiers dans cette province, c'était trois malfaiteurs qui voulaient voler des vaches et leurs propriétaires ont dû tuer un de ces voleurs. Les deux autres ont pu s'échapper. L'administrateur de cette commune, Rugombo, Béatrice Kaderi, demande à la population de ne pas se faire justice. Restons à l'ouest du Burundi, en province Bubanza, où un enfant est mort la semaine passée au centre de santé Namba, en commune Musigati de cette province, suite au manque d'ambulances. Certains habitants de cette localité demandent que le nombre d'ambulances soit augmenté et qu'il y ait au moins des contributions pour tous afin d'évacuer les patients sur d'autres structures de soins. Les détails avec Spécie Carita. Une femme de Namba en commune de Musigati qui allait accoucher a rencontré un problème de transfert suite au manque d'argent qui était exigé, c'était ce mercredi. Alors qu'elle est arrivée au centre de santé de Namba sur brancard traditionnel le matin de mercredi, elle y a passé toute la journée. Les infirmiers n'ont pas pu l'aider. L'enfant était en mauvaise position selon les témoins sur place. Un bras était déjà à l'extérieur. Il fallait une opération ou d'autres techniques pour sauver et la mère et l'enfant. On a demandé à la femme de l'argent pour l'évacuer et n'en avait pas. 40 000 francs pour un véhicule de type taxi jusqu'à l'hôpital de Bubanza. On a même demandé à ceux qui l'avaient accompagné de faire un écrit pour l'évacuer et payer cet argent plus tard. Ça n'a pas allé, selon certains de sa famille. C'est alors, après toute la journée, qu'elle a fini par accoucher un enfant mort. La famille de la victime se demande pourquoi ces infirmiers n'ont pas appelé une ambulance à temps pour sauver cette vie. Et le titulaire de ce centre de santé de Namba nous a expliqué que l'infirmière qui était à la garde a appelé une ambulance, mais l'enfant était déjà mort. Les habitants de cette province de Bouanza demandent donc que les ambulances soient multipliées et que la contribution des populations soit même presque une loi afin d'aider dans leur fonctionnement. Cependant, les autorités administratives et sanitaires indiquent que la population a été toujours réticente pour la contribution, mais que personne ne devrait perdre la vie par manque d'argent. C'est Caritas Kabanyana, Bouanza, Radio Isanganiro. À 13h07 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons ce journal. Je vous l'avais annoncé en titre, certains habitants de la zone urbaine de Nyakabiga disent être satisfaits de la collecte des déchets ménagers qui s'observent régulièrement dans leur ménage. L'entreprise Cleaning Company, Burundi Cleaning Company Bisiko, dit avoir promis de collecter une ou deux fois la semaine. Ses habitants devront payer 3000 francs burundais par mois. Ils demandent que cette entreprise honore ses engagements comme promis. Et cette entreprise travaille aujourd'hui en collaboration avec l'administration de la zone Nyakabiga pour l'enlèvement de ces déchets ménagers. Voilà, à 13h08 dans les studios de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève ce journal, mais je vous en rappelle les grands titres. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, rétrograde, elle passe du statut A au statut B. Le juriste Tassin Sibomana, opposant politique burundais, parle d'une énorme perte pour le Burundi dans le Conseil des Nations et au parti UPRONA. L'on parle d'une décision politique. Une dizaine d'enseignants d'une école fondamentale de la province Kayanza sous les verrous accusés d'avoir battu le directeur de cette école. Dans ce journal, vous avez suivi la réaction du président du syndicat STEB qui demande qu'il y ait des enquêtes urgentes afin que les responsabilités soient établies. Merci donc à vous tous qui avait suivi cette édition. Merci également à François Kimana qui assurait la mise en onde et Ernest Pablo Bayouabo qui assurait la réalisation de cette édition. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.